Et pas d'insultes. De Gérard. Donc bienvenue sur pardon. Bienvenue sur Fun Radio 7h37 dans 6. Merci. Si vous voulez continuer de si vous voulez réagir sur les débats, vous pouvez appeler le 0870 5000 et on va accueillir Stéphane 23 ans de d'Orléans. Stéphanie peut-être. Non, Stéphanie 23 ans d'Orléans. Oui, salut Gégé. Ouais, pour c'est un mec. C'est bien ça. Ah ouais, mais c'est le prénom que m'ont donné mes parents, j'y peux rien. Hein. Ouais, c'est ça. Christiane, 20 ans de Paris. Salut. Salut. Ouais, faut te réveiller là, parce que si tu dors, t'as un téléphone sans pile. Oui, oui. Ah ouais, ben, ça commence bien déjà. Ah, les mecs, oh. Et Alison, 19 ans de plaisir sur Bouze. Bah d'accord, bonjour. Eh, c'est, oh, le portable, ça commence à bien faire. Ah mais je suis désolée. Ouais, ben, donc, première question, est-ce vous, ah, merde, prenez, êtes-vous stressé pour passer votre bac, Stéphanie? Non, pas trop, moi j'y vais là tout à l'heure, je vais faire la philo, j'y vais détendu, tranquille, j'ai mes antisèches, donc je risque pas grand-chose. D'accord, on va accueillir Guillaume de Toulouse, 19 ans. Bonjour Guillaume. Bonjour tout le monde, salut Gérard. Salut. Donc, t'as entendu la question ou pas? Pas du tout. Donc, êtes-vous stressé pour passer le bac? Non, donc, pas du tout, tranquille, là, je pars dans une heure et demie à peu près. D'accord, Christiane? Non, moi je ne suis jamais stressée. Ouais, bah tu travailles parce que tout à l'heure tu allais stresser au standard, toi. Je te dis, je ne suis jamais stressée. Ok, Alison? Non, mais non, pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, après on bâcle tout, ça nique tout. Mmh. Et Guillaume? Bon, qui c'est qui s'amuse avec son téléphone, là? Guillaume? Oui. Bon, tu travailles, s'il te plaît? Bah oui, je suis là, oui. J'ai déjà répondu à la question. Bah, t'as pas répondu encore. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là là là là. Oh, qu'est-ce que c'est là, que ce cirque au standard là? C'est rien, Donia. Donc, si je vous dis, pensez-vous qu'un examen vous rend triste? On va demander à Guillaume, j'espère que tu as travaillé, parce que si tu travailles pas, tu vas sortir, mon pote, vite fait. Vous me réveillez ou quoi? Ouais. Bon, allez, Guillaume, bonne nuit. Allez, hop. Bonne journée, tu dis. Bonne journée. Merci. Y a pas de quoi, c'est gratuit. Dans Alison. Oui, tu veux savoir si ça nous rend triste, c'est ça? Ouais. Bah, si t'as tout foiré, c'est sûr que ça rend triste, mais sinon, non. D'accord. Christiane. Ouais, alors la philo, c'est triste. Les maths, c'est gay. Ouais. La physique, ça fait rire. Ouais. Ouais, l'histoire, c'est triste aussi. Ça dépend. Comme quoi, il n'y a pas de règle. D'accord. Stéphanie? Bah ouais, je trouve que t'es triste, ouais. Comment ça? Bah c'est triste de voir un gars comme toi à la radio quand même, non? Attends, hey, je te demande si... si en passant voir un examen, ça vous rend triste, pas comme moi, espèce d'abruti. Bah je sais pas, si je passe un examen de radio, par exemple dans une école de radio, ça peut me rendre triste, ouais. Attends, t'as déjà eu des examens de radio, toi? Bah ouais. D'accord. D'accord. Oh, tu sais qu'il s'amuse, là? Oh, que je suis en train de déjeuner. Bon appétit. Bon appétit. Bon, au standard, ça commence à me prendre la tête, celui qui bouffe quand on parle. Ah ouais, ok. Bon, la tête, ça va. Hein. Si je vous dis, avez-vous fait l'amour pendant les examens? Oh, tu trouves pas qu'elles sont de plus en plus bidons, les questions, Gérard? T'as mis trop vert. Ah, pardon. Hey, Donia, j'avais pas vu. Donc, Stéphanie. Bah, tu peux répéter, j'ai pas entendu avec le bordel du standard, là. Donc, avez-vous fait l'amour pendant les examens? Bah, en fait, ouais, si tu veux l'avoir, ton bac, t'es obligé de coucher avec l'examinateur, c'est clair. Ça veut pas spécialement, non? Pourquoi? Bah, vos gueules avec vos pourquoi, vous deux. À quel sens? Bah, occupez-vous du standard, d'accord? Faites bien votre boulot, ça vaudra mieux. T'as passé des examens, toi, Gégé, ou pas? Spécialement, non. Et le docteur, il t'a laissé partir après les examens? Qu'est-ce qui se passe? Ils arrêtent pas de faire les cons, là, ces deux-là. Oh, putain, réveillez-vous, au standard! Bon, Christiane, 7h41, quand même. Ouais. Non, moi j'ai jamais fait l'amour pendant un examen, par contre pendant une panne d'ascenseur. D'accord, d'accord. On est, c'est pas le thème du débat. Alison. Ouais, c'est peut-être mon camarade, c'est cool, ouais. D'accord. Et si je vous dis, prenez-vous rendez-vous pour passer un examen. Ouais, c'est Stéphanie. Ouais. Ouais, ben je pense que les toubibs, ils auraient pas dû te laisser partir après les examens, c'est clair. Ah, vous avez quand même compris que que je parlais de médecine, là, sur celle-là. Ouais, super. Donc, pour toi, Stéphanie? Ben, je te dis, les toubibs, ils auraient jamais dû te laisser partir, c'est tout. D'accord. Christiane? Non, en général, t'es convoqué, mais bon. Alison? Je vois pas trop le rapport avec les examens de bac ou... Ouais, d'ailleurs, pourquoi? Non, mais attendez, les auditeurs, il va vous expliquer, Gérard. Non, vas-y. Mais... Ouais, Hey, tu travailles ou quoi, Gérard? Tu dors? Là, la question, tout le monde. La question, c'est simple. Avez-vous pris rendez-vous pour passer un examen? C'est comme si vous alliez chez le docteur. Oui, c'est pas un examen. Ben, pourquoi? Ben, quand tu prends rendez-vous pour passer un examen de radio. Ben ouais, mais pourquoi? Quoi? Il n'y a pas de pourquoi. Alors, vous me faites chier avec vos pourquoi. Dans quel sens, surtout? Ouais, écrase, toi, avec. Dans quel sens? Parce que tout à l'heure, je vais te mettre une droite. Oh, d'accord, tu vas me faire le coup de vendredi. Tu vas te faire une droite vers la gauche. Ouais, quand vous me trouverez des gens qui seront réveillés le lundi, vous me pressignez aussi. C'est à chaque fois la même chose. Ah, non, mais ça dort à moitié. Donia, ouais, je pose une question à Donia. Les auditeurs, ils sont réveillés, c'est pas de ma faute, c'est quand ils arrivent à l'antenne, tu les endors. Ouais, ben. Ouais, c'est ça, donc t'as raison, t'as raison. C'est horrifique, Gérard. C'est ça. Ah, ça va, les insultes. C'est ça. Ouais. Vous allez voir, lundi, vous allez vous démerder si vous continuez à me parler comme ça. Non. Vous allez voir comment que je perds maintenant le lundi. Allez, 7h43 quasiment, Gérard, encore la fin, conclusion de ce débat, peut-être, ou encore Non, on va faire conclusion. Donc, Stéphanie. Bah écoute, moi je pense que à 17 ans, CM2, t'as dû passer plein d'examens. D'accord, ben tu peux mieux te regarder, toi. Stéphanie, c'est un mec. Bah ouais, mais alors. Bah oui, tout à fait, mais mes parents m'ont donné ce don-là, j'y peux rien, hein. Regarde la gueule de Gérard, il peut rien non plus. Mais ma gueule, attends, allez, dégage, bonne nuit. Allez, bonne journée à toi. Comme ça, c'est. Christiane. Ouais, bah moi, conclusion, je passe mon bac dans une heure. Ouais. Tu m'as endormi, tu m'as sapé le moral, j'ai raté ma fille. Eh ben, de manière, faut bien dire qu'une fois, sur deux, vous allez réussir. Hein. Je ne veux pas être méchant. Allez, pas de verbe. D'accord. Moi, je veux juste te dire à Christiane que ça sert à rien de stresser, quoi. Franchement. Ah, je stresse pas, c'est Gérard, il est stressé. Là. Ouais, mais ça sert à rien. Bon, bah voilà, donc, bah moi. Oh là là, c'est chelou ton débat. Petite conclusion, c'est quoi? Y'a qui? Y'a Guillaume! Non, Guillaume, il y avait Guillaume. Bonne journée depuis longtemps. Ah bon, mais pas nous! Non, mais moi, je vous ai dit de le saquer. Non, mais vous faites votre boulot à moitié, hein. Non, mais Denia, il a envie de faire une conclusion, laisse-le. Bah, conclusion? Attends, je me fais couler ma douche. Ouais, bah, c'est ça, alors, va te faire foutre, allez, hop, dégage. On se lave pas le matin, ça se saurait dans les studios de David. C'est clair. Donc, conclusion sur ce débat, c'est encore le standard qui a foiré, comme tous les lundis. Rigolez. Alors lundi prochain, j'annonce pas le thème du débat, comme il n'y en aura pas, comme ça je vais rester au lit. Oh voilà, vous avez tout gagné. Ouais, voilà. Ça vous fait rire. Oh, voilà. Bon. Voilà, vous êtes content? Ouais. Bon, bah bravo. Bah, même pour les petites annonces, qu'on puisse sur moi maintenant. Voilà. Comme ça, on va être tranquille. Voilà. Alors quand vous ferez bien votre boulot, vous nous pressignez. Et pour mercredi, on ne sait pas encore ce qu'on fait, hein. Voilà. 7h44 minutes, vous l'avez entendu, Gérard, et son débat, bien entendu, qui portait sur les examens. Si vous allez en direction, bien entendu, du bac, on vous souhaite un bon courage.